L'époque des nazistes, y avait-il des personnages féminins qui avaient un rôle ésotérique? Si oui, qui sont-elles? Quels étaient leurs rôles? Bon, on sait que derrière chaque grand homme, il y avait une femme qui chiolait. Derrière? Derrière, à côté ou au-dessus? Tout ça. La femme de Hitler ou sa maîtresse, sa bonne? Ouais, c'est... Avant que la bonne apparte, ça, c'était Napoléon. C'est Napoléon, c'est ça, ouais. Non. Il n'y en avait pas. Il y a eu des femmes, oui, mais pas... À l'époque, la femme n'était pas encore suffisamment libérée, c'est-à-dire que socialement, c'était mal venu de laisser une femme monter trop haut. Les femmes n'aimaient pas ça, les hommes non plus. Alors, il y a eu des femmes, pendant la résistance française, surtout les femmes ont énormément aidé à maintenir la résistance en état. C'est Narcisse Noir, surtout, qui a été l'un des grands chefs de la résistance française, mais il y a eu énormément de femmes. Mais pour dire, au niveau de l'ésotérisme, il y en a eu quelques-unes qui, dans ces époques-là, travaillaient. Il y a Madame de Blavatsky, mais ce n'était pas relié nécessairement aux nazistes. Il y a quelques personnages qui ont travaillé, même une fois décédés, travaillaient encore avec certains personnages. Est-ce que les réincarnations de femmes se font toujours dans un corps de femme, ou est-ce que Hitler a pu se réincarner dans un corps de femme? Non. Les réincarnations, les femmes se réincarnent dans des corps féminins et les hommes dans des corps masculins. Toujours? Oui. Sauf que le corps féminin a une tendance à devenir de plus en plus masculin et le corps masculin a une tendance aussi à se rapprocher du corps féminin, ce qu'on appelle l'androgyna. Et donc, il y a un chemin qui se rapproche de plus en plus, ce qui fait que la femme, de plus en plus, a un corps qui lui permet de faire des affaires, d'être colérique comme l'homme, d'être même puissante comme l'homme. L'homme a un corps qui, de plus en plus, lui permet d'aimer les bébés nouveau-nés, d'avoir une affection, même une sexualité affective comme la femme, de plus en plus, malgré qu'ils conservent leur corps. Est-ce que les avions, les fusées et tout ce qu'on envoie dans l'espace dérangent le monde de la mort et le canal réincarnationnel? Comme une aiguille. Non. Ça ne perturbe pas trop. Par contre, ça perturbe en ce sens que chaque fois qu'il y a un résultat comme ça qui est fait, il y a des humains qui s'échappent de l'étreinte des dieux. Chaque fois que le mental de l'homme arrive à créer quelque chose technologiquement, les dieux perdent un peu de faveur. Ça nuit dans ce sens. C'est tout. Est-il nécessaire que l'homme vive un apocalypse, exemple une troisième guerre? Autrement dit, l'intelligence clouera-t-elle encore ses clous mécaniquement, ou bien s'ajustera-t-elle? S'il y a apocalypse, qu'arrivera-t-il avec toutes les âmes des morts? La problématique, ce n'est pas ce que l'intelligence va faire, parce que si l'intelligence décide d'appliquer, il y aura une troisième guerre mondiale. Mais si l'intelligence décide de ne pas s'exécuter, les animaux humains vont en faire une troisième guerre mondiale. Dans un sens comme dans l'autre, on est à peu près sûr d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a la réincarnation de personnages qui ne fonctionnent qu'en fonction de leur émotivité. Es-tu de mon avis? Non, flore. Et ça crée des guerres saintes. Le prochain risque d'être un djihad. Ça crée des guerres qui sont en plus dangereuses que des guerres de territoire. Ce sont des guerres d'égrégores. Alors, il y a un égrégore en haut, un égrégore divin, qui veut détruire les fidèles qui prient les autres égrégores de façon à détruire ces dieux-là. Ce sont c'est ce qui engendre des guerres saintes. La dernière guerre sainte a été les croisades, où un égrégore a voulu détruire un autre égrégore. Et ça risque de se venger. Parce que les dieux, c'est créé par l'homme. Ça fonctionne comme l'humain. Si l'intelligence s'en mêle, cela voudrait dire si l'intelligence décide d'être exprimée à l'échelle de la planète. Donc, du jour au lendemain, on va dire, disons, d'une décennie à l'autre, hein, quand même laisser le temps un peu à l'humain de respirer, et au plus têtu de mourir, de vieillesse ou de maladie, il faudrait que l'humain cesse de polluer. Il faudrait que l'humain cesse de s'armer. Il s'arme contre des animaux, il s'arme peut-être contre une intervention extraterrestre. Il s'équipe contre les cataclysmes, bon, des choses dans le genre. Les forces militaires peuvent servir à l'interne en termes de forces de sauvetage. Il faudrait que l'humain cesse de s'accoupler émotivement. Autrement dit, lorsqu'un homme trouve une femme à son goût, il faudrait que ce soit plus une raison pour qu'il reste avec. Et lorsqu'une femme trouve un gars à son goût, c'est la même chose. Il faudrait que les deux aient des raisons intelligentes de vivre ensemble, des raisons intelligentes d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. La problématique, c'est que je le dis souvent, c'est que lorsque l'intelligence veut s'adresser à un chien, elle descend au niveau du chien et elle aboie. Donc, si l'intelligence descend au niveau d'un cochon, ben, elle cochonne. Alors, si un être humain qui a absolument le goût, par exemple, de violer une fille, s'il a un contact avec intelligence, ben, il sait comment la violer sans qu'elle chiale. L'intelligence descend et elle est arrêtée au niveau de l'humain qui la reçoit. On appelle ça la séduction. Ouais, c'est ça. Je suis fréquent. C'est ça qui est le problème. Où l'humain évolue pour arrêter l'intelligence à un niveau plus haut, donc nécessairement là, l'humain peut s'en servir. Albert Einstein l'arrêtait à un niveau que les autres humains ne pouvaient atteindre. C'est pourquoi il savait des choses avant même de les expérimenter. Bon, Louis Pasteur en est un autre exemple. Leonardo, même chose. Leonardo da Vinci. Et plusieurs autres. Bon. Sauf que l'ensemble de l'humain est collectif. Étant collectif, il se fie à autrui. Et se fier à autrui, c'est se fier aussi à tous ceux qui sont morts. Donc, on se fie à l'histoire. Se fiant à l'histoire, on ne se fie qu'au passé. Et essayer toujours d'expliquer le neuf avec le vieux, ça ne fonctionne pas. L'humain est confiné, s'il reste assujetti à sa tradition, à répéter rituellement les mêmes conneries. D'où l'effet, Troisième Guerre mondiale quasiment évidente, étant donné que la majorité de la planète est habitée par des animaux humains, c'est-à-dire des individus qui ne fonctionnent qu'en fonction de leur système endocrinien. Or, si le cœur se met à accélérer, ben, tu penses que tu es en colère, fait que tu bûches. Alors, tu as la haine, tu as la jalousie, tu as la peur, tu as la honte, tu as tout ce que l'humain connaît, qu'on appelle la psychologie, mais qui est une psycho-endocrinologie. Tant que l'humain fonctionne comme ça, il est comme le chien de Pavlov, il suffit simplement de faire sonner une cloche pour que la programmation fasse sécréter. Bon. Alors, si la cloche te insulte, tu sécrètes des catécholamines qui te dynamisent à crier. Si la cloche te fait plaisir, tu sécrètes de l'endorphine qui te permet de te calmer. Tout simplement. Si l'intelligence déciderait d'intervenir pour régler le problème, ben, l'humain ne pourrait pas le supporter. Il faudrait qu'on cesse, comme j'expliquais, de polluer. Des gens partant, on élimine quoi, la majorité des industries. On va laisser 10 ans à l'humain ou 20 ans à l'humain pour qu'il s'ajuste. Il y a des êtres humains qui ne peuvent comprendre cela. Parce qu'ils s'en foutent. Ils n'ont plus la conscience de la réincarnation, alors que tout se fait polluer puis démolir, on s'en balance, on ne sera plus là. Ah, ils vont être là, oui. Autre chose, l'être humain devrait premièrement éliminer la majorité des médicaments, améliorer son corps physique et l'entretenir, ce qu'on n'a réellement pas le goût ni le temps de faire, éliminer l'argent totalement et engendrer des sociétés intelligentes qui feraient que dans une société, on robotise énormément, là, technologiquement, on peut le faire. Mais si on robotise, ça veut dire que le patron aura plus l'empire. Mais il aura plus l'empire, non. Quand on aura besoin d'aller en Afrique, on prend l'avion, on va en Afrique. Qui on paye? On ne paye personne. La matière est là pour servir l'humain. Il y en a qui vont exagérer. Eh oui, 90% des humains vont exagérer. C'est pourquoi ça ne peut se faire. Parce que tu as une quantité de travail annuel à faire, tu le fais. Le reste, tu fais ce que tu veux. Tu n'es pas limité. Tu es musicien, on te fournit ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a un maniaque qui aime ça fabriquer des instruments de musique génial. Et lui, il n'est plus obligé de les vendre, parce que quand il a faim, il va chercher sa nourriture. Quand il veut faire le plein de gaz propane, ça va toi, de gaz naturel, et alors, il fait le plein. Bon, mais il n'y a pas à payer. Mais l'humain, non. L'humain, il va se dire, crème, tu t'es gratuit, ben moi, j'ai un château. Qu'est-ce que tu veux foutre avec un château? T'es tout seul. Oui. La femme, elle a dit, ben oui, mais c'est avec le ménage. Oh, les robots vont faire le ménage. Mais ça te sert à quoi? Avoir du pouvoir? Avoir du pouvoir sur quoi? Alors, comme l'humain n'est pas prêt, et je ne parle pas uniquement du contexte, la partie qui est en dessous de la planète, le contexte nord planétaire, je ne parle pas uniquement de nous autres, Québec, les États-Unis d'Amérique, le Canada, une partie de l'Europe, etc. Non, il y a aussi le reste de l'humanité, tous ceux qui sont en haut du globe, le sud, qui, eux, sont encore beaucoup moins prêts dans la majorité des cas, les pays sous-développés, les pays qui ne font que la guerre, les pays qui ne font que des épidémies, hein, qui font que des famines. Tu as parlé de musique et d'intraterrestre à un moment donné. En quoi la musique est nécessaire à l'énergie intraterrestre? Bon, donc on a récupéré des mots, si je fouille un peu. Intraterrestre, Excalibur. Le message est une vibration qui, chez un artiste, est plus facilement décodable. Pourquoi j'ai dit que c'était comme une musique? La musique provient des sphères, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'information historique accumulée dans l'enfer, du centre de la Terre aller jusqu'à quelques pieds au-dessus de la surface, et dans le monde de la mort, de quelques pieds sous la Terre aller jusqu'au fin fond de l'ionosphère, donc dans l'atmosphère terrestre, la matière qui cumule de la mémoire, il y a de l'information que l'artiste va décoder. Les artistes peuvent le décoder dans la musique. La musique est un extrêmement bon médium pour laisser passer une vibration astrale qui va facilement être communicable chez autrui parce que l'onde sonore engendre des vibrations, des sécrétions endocriniennes chez autrui. Donc l'individu vibre, baf, trip, bon, exocrinienne, endocrinienne. On sait que tous les artistes extraordinaires sont des artistes qui sont obligés de se droguer. Enfin, la majorité des artistes sont pris avec l'alcool et sous la drogue. Et aujourd'hui, c'est évident. J'en connais des artistes, puis... Si vous voulez avoir un peu, c'est... D'ailleurs, ils sniffent pas ça avec une petite poille, eux autres. C'est avec des grosses poils. Ah oui. Certains. Et... Beaucoup, beaucoup d'artistes ont souffert le martyr. S'ils n'exprimaient pas, ils souffraient. Alors, on en a connu un paquet qu'on a dit qu'ils étaient fous. Certains, c'était le sexe, d'autres, c'est la drogue, d'autres, il y en a même un qui s'est coupé les oreilles. Bon, l'artiste souffre. L'artiste est un être qui, s'il ne s'exprime pas, souffre. Pourquoi? Parce qu'il est totalement manipulé par ce qu'on appelle des sphères, musique des sphères. Sphère dans l'idée même que quand tu tapes une boule de métal, ça émet une vibration. C'est pas des sphères... matériel qui est en haut. Alors, la musique, c'est un grand communicateur, c'est un médium qui permet à l'humain d'être relié totalement, dans l'inconscient de l'humain, au monde de la mort. Si on regarde une société intelligente, les seules fois qu'un humain va écouter de la musique, c'est la musique qu'il joue sur un instrument. Et cette musique n'est jamais composée, et elle n'est jamais enregistrée, parce qu'on n'a pas besoin de la retenir. Et lorsque l'être humain rejoue encore une fois de son instrument, ce sera nécessairement un autre morceau. C'est-à-dire que l'être humain aura la capacité, dans une forme de musique plus tard, au lieu de vibrer ou de pleurer, je ne parle pas de broyer, je parle de pleurer, lorsqu'il goûte un paysage ou un événement ou quelque chose absolument génial, il aura aussi la capacité de transformer ce qu'il perçoit, donc ce qu'il boit vibratoirement, l'onde de forme qu'il boit, en musique. Mais cette musique sera une communication instantanée avec l'événement. Donc, lorsqu'il change d'événement, c'est-à-dire que 5 secondes après, c'est plus le même événement, s'il joue, il va jouer d'autres choses. La musique comme toutes les formes d'art, sont une façon de permettre une communication du monde de la mort dans un vocabulaire que l'humain ne connaît pas dans sa conscience, qui va être le domaine de l'artiste. Ça peut être la peinture, ça peut être la sculpture, mais on parle évidemment de l'art abstrait surtout. La musique, c'est abstrait. Si je fais la sculpture d'un oiseau, je recopie ce que je vibre, ce que je vois dans la matière. Mais si je joue de la musique et je joue l'oiseau, c'est nécessairement de l'abstrait. La peinture abstraite, évidemment, le cubisme est abstrait, c'est évident. Une peinture qui est déformatrice est une communication médiumnique du monde de la mort. un auteur qui... J'ai l'exemple de l'auteur qui avait écrit L'An ses comptes, qui écrit d'avance l'histoire qui va arriver au Nordique un peu de temps après. Il y a deux phénomènes qu'il faut constater. Il y en a évidemment qui se branchent sur L'An ses comptes puis qui s'évertuent à accomplir la prophétie, ce qui arrive souvent quand on fait des prophéties. Et l'autre qui s'est simplement branché sur une mécanique dans l'astral, les psychologies, on sait exactement ce qu'ils sont. Donc, c'est extrapolant, on peut extrapoler pour parvenir, même astralement, à avoir une idée, ce que d'ailleurs les médiums vont faire, les voyants, etc., pour pas prévoir l'avenir, mais annoncer le présent dans l'astral, présent qui n'est pas encore matérialisé sur le plan matériel. Donc, ça peut changer. On a des chances que ce soit comme ça, dépendant de ce qui va interférer au niveau du monde de la mort. Alors, ils descendent du présent, mais vu que ce n'est pas dans la matière, puis qu'on ne se fie qu'à la matière, on dit qu'ils prévoient l'avenir. Par contre, si on fait référence à des musiques plus intraterrestres, des musiques infernales, on aura le métal hurlant, qu'on appelle heavy metal, c'est-à-dire que tu tapes n'importe quoi, du moment que ça crie, c'est bon. Quand c'est pas suffisant, qu'est-ce que tu fais? Tu frappes même les autres. La question est d'amplifier la sécrétion endocrinienne. La haine, la violence, la mortification, on rétrograde énormément. Alors, le contact avec les sphères, ou avec les dieux, ou avec le trip, puisque à un moment donné, tu mets le mot que tu veux, mais le contact avec le monde de la mort, dans l'Antiquité, il se faisait un coup de fouet, quand tu plantais des aiguilles, des clous, tu te brûlais lentement, tu jeûnais à plus finir, la souffrance, et tu avais l'extase. Le métal hurlant te connecte aussi en extase avec différents phénomènes du monde de la mort, extrêmement infernal, donc intraterrestre, et c'est des musiques. D'ailleurs, il y en a d'autres musiques avec, je ne connais pas toutes, je peux fouiller, mais vous les connaissez, de toute façon, il y en a encore qui s'écoutent. Ce sont des musiques qui amènent à la violence et qui absorbent énormément d'énergie dans l'humain. L'humain se brûle à les écouter. Mais là, on ajoute l'image à la musique, dernièrement, un vidéoclip que j'ai vu. Oui, évidemment. L'humain est rendu trop puissant. La musique est rendue trop faible. Les jeunes se pointent un fusil dans la bouche pendant qu'ils... Oui, c'est évident, parce que les corps physiques des enfants sont trop puissants. Alors, plus ils vont se suicider, mieux ça va être pour les dieux. Ils vont... En se suicidant, ils altèrent la génétique, c'est-à-dire qu'ils ne la transmettent pas. Maintenant, il est perdu pareil pour le monde des dieux, mais n'empêche. Alors, on veut qu'ils se suicident, hein? La deuxième cause de mortalité au Québec, chez les jeunes, c'est le suicide. Ça va grandir au Québec, mais ça va aussi s'étendre partout un peu dans le monde. Et puis, ces vidéos aident. Le dernier film, Batman, c'est une vraie folie. C'était un coup bas au niveau de l'enfance pour passer le mal. Hein? Le super-héros qui se venge, alors que Batman, c'est un aristocrate qui ne se venge jamais. Tous ceux qui vont voir leur périsprit extrêmement messi, qui vont voir Batman, puis là, ce qui se passe là-dedans, quand ils sortent de là, tous les messages sont bien rendus, communiquer de la violence. Que pourrait-il arriver à une personne pas trop avancée en termes de négolisation, partant réellement à la recherche de la lance de Longinus? Premièrement, il peut arriver qu'elle ne la trouve pas, puis qu'elle la frustrer et l'égoïser un peu. L'avion peut manquer de gaz. Enfin, bien les choses se peuvent. Mais l'individu doit savoir reconnaître la lance, doit savoir reconnaître la façon de communiquer avec la lance pour que ce qui reste dedans puisse se transfuser dedans. Et surtout, la lance atteint son serviteur, enfin, ou son maître. Donc, un individu qui irait chercher la lance. Depuis qu'Adolf Hitler a été dissous, la lance a perdu énormément de sa puissance. N'empêche, quelqu'un qui présentement aurait la possibilité de posséder la lance, s'il est encore égoïsé, donc si son ego est encore suffisamment puissant pour transformer de la puissance en pouvoir, donc domination, donc s'il n'est pas suffisamment égoïque, il y aurait des problèmes. Pas lui, le monde. Mon ego tourne, et il réagit à tout événement comme jamais. Quelle est la cause de cette nouvelle maladie? Deux choses. Plus l'être humain se conscientise, plus il se rend compte qu'il enfante dans la douleur. Et il dit, Ouais, mais regarde, maintenant, c'est plus souffrant qu'avant. Pourquoi? C'est aussi souffrant qu'avant. On le voit plus qu'avant. L'ego tourne, l'ego a toujours été manipulable. Quelqu'un vous plie sur le pied, immédiatement, il y a une partie qui se met à tourner, puis la réponse se fait à partir des mémoires. Et il y a autre chose que j'ai déjà expliqué aussi souvent, c'est que plus on s'en égoïse, plus le charbon ardent qui est le centre de l'ego, enveloppé de papier d'aluminium, bien, la négoïsation, c'est de dissoudre l'ego. Alors, on a des faits d'aluminium et on en fait du mental ou du périsprit, enfin, j'ai déjà expliqué. Et plus on ôte les feuilles, plus l'ego, plus la boulette devient chaude. On se rapproche du centre du chardon ardent. Nécessairement, l'ego semble s'exprimer plus violemment. C'est un fait. Normalement, le mental est aussi plus puissant et peut contrôler. Mais la partie de l'ego qui a conceptualisé l'idée de la négoïsation, autrement dit, la partie de l'ego qui rêve du jour où il n'y aura plus d'ego, bien, plus elle voit l'expression de l'ego, plus elle souffre, elle se frustre. Et c'est d'ailleurs la partie qui pose la question. Il faut continuer à vivre, à découvrir que l'humain est astralement parlant au niveau de l'âme. Plus on pénètre dans l'âme d'un humain, plus c'est laid par rapport au concept d'évolution. Autrement dit, plus c'est puissamment identifié, égoïque, et ça considère que le monde part de lui, d'où l'égocentricité, ce qui engendre évidemment la transposition de la puissance, de l'harmonie, de l'écologie en pouvoir, en domination, en stratégie. Être supramentalisable amène à s'appauvrir de jour en jour. Des fois, je me dis que je devrais tout donner afin de ne plus rien avoir à me laisser vivre. Pourrait-on m'appauvrir davantage? Il y a une nuance entre s'anégoïser et se spiritualiser. L'individu qui se spiritualise, à un moment donné, décide de tout abandonner, de tout donner. Et la problématique, c'est que quand l'être humain s'en égoïse, plus un être humain s'en égoïse, donc plus son ego fond, plus il crée un double éthérique, donc plus il immortalise sa conscience lucide, plus il tend à échapper au contrôle du monde de la mort, donc des égrégores divins, donc des dieux. Les mécaniques astrales vont tout faire pour que l'individu souffre physiquement et psychologiquement, de façon à l'occuper, pour qu'il n'ait pas suffisamment d'énergie pour la mentalisation, donc le contrôle de son ajusteur de pensée, le contact avec son esprit, l'intelligence supramentale, et en plus pour être sûr que l'être humain ne s'égoïsera pas dans une vie où l'efficacité commence à être son lot, l'intelligence supramentale s'arrange pour taper un peu sur l'ego, qu'il souffre un peu. Plus on devient patient, plus les choses deviennent faciles. Plus on devient aristocrate, plus les choses vont devenir faciles à la condition qu'on conserve dans son mental l'idée que l'homme, le mental, doit être le maître. Et il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut m'appauvrir davantage? Acheter un livre sur le Bangladesh, et vous verrez jusqu'où on peut appauvrir l'humain. L'islam sera la prochaine terre qui attirera les mémoires noires et guerrières. C'est déjà commencé. Répétera-t-elle l'histoire de l'Allemagne? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Parce que elle ne répétera pas l'histoire de l'Allemagne parce qu'il n'y a pas d'intelligence supramentale dans ces régions. Est-ce qu'elle va répéter l'histoire de la France, du Portugal, de l'Espagne, de la Mongolie, des croisades, donc l'histoire de Kubilai, de Genghis Khan, de Napoléon, des jésuites même? C'est probable. Pourquoi? pas juste l'islam. Ça commence avec le terrorisme international, le terrorisme mondial, et on l'a déjà vu que le terrorisme servait à forcer l'Europe à s'allier. L'Europe doit s'allier en un seul pays. Et on a déjà parlé, mais ça fait quelques années, quand quelqu'un me demandait l'intelligence, je disais qu'il y a de l'intelligence sous-jacente à tout, puis là quelqu'un était un peu frustré parce qu'il voulait que j'explique l'intelligence du terrorisme, et ça force l'Europe à se réunir. Alors, si on peut vérifier sur une cassette que j'ai faite il y a 3 ou 4 années. L'islam va forcer des alliances progressives entre le mental planétaire et l'intelligence ajustée, entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et les États-Unis d'Amérique. Mais pas immédiatement. Alors, il y a un paquet de raisons intelligentes. La seule affaire qu'il y a, c'est que comme c'est dans votre avenir, je préfère pas trop en parler. La lance se trouve-t-elle vraiment aux États-Unis ou se trouve-t-elle parmi les autres objets du trésor des Templiers? La lance se trouve soit en Autriche, soit aux États-Unis à Fort Knox. Et pour des raisons qui me regardent, je préfère ne pas préciser où elle est. Qui était Rudolf Steiner à l'époque de Tibère? Quel a été son rôle à l'époque de Hitler et est-il réincarné aujourd'hui? Bon, à l'époque de Tibère, Rudolf Steiner ne vivait pas. C'est-à-dire que les mémoires réincarnées, faut faire attention. Adolf Hitler, bon, oui, toi oui, d'autres oui. Certaines personnes ici ne vivaient pas à l'époque de Tibère. Lorsqu'un humain, dans sa vie, parvient à contrôler suffisamment les clés de la réincarnation pour créer des structures parentales, familiales ou endoformiques, des écussons par exemple, il garantit que lorsqu'il meurt, la majorité de son âme, au lieu d'être dissous dans le monde de la mort, se retrouvera résumée, concentrée, conservée, dans une lignée familiale, dans un écusson, un emblème, une armoirie, dans quelque chose. La lance a permis à Tibère, donc Adolf Hitler, de rester. Donc, Adolf Hitler est né en l'an 42 avant Jésus-Christ. Et il est mort, disons, en l'an 76 après Jésus-Christ, 1976, dilué suffisamment pour qu'on n'en parle plus. Ses mémoires vont se réincarner, diluées à travers plein d'individus. Adolf Hitler ne se réincarnera pas. Rudolf Steiner, ce qui va se cristalliser pour former, créer Rudolf Steiner du point de vue de l'âme et de la vision ésotérique du monde, n'existe pas à l'époque de Tibère. Rudolf Steiner, une fois mort, se dilue. Donc, il va se réincarner dans plusieurs individus, fusionné à plusieurs autres personnages ou personnalités réincarnationnelles. Rudolf Steiner a été un personnage qui a canalisé de l'intelligence supramentale. Rudolf Steiner a connu Adolf Hitler une fois, oui. Lorsqu'Adolf Hitler jouait de la flûte, et lorsqu'Adolf Hitler avait éliminé une partie d'un territoire d'un infestant, en tout cas, il y avait des rats. Et Adolf Hitler, qui à l'époque jouait d'une flûte assez particulière, avait éliminé ces rats. Et on n'a pas voulu le payer. Par la suite, il a aussi éliminé les enfants. Bon. Alors, ça fait partie des légendes de certains pays. Vous pourrez fouiller à un moment donné si vous voulez. Joueur de flûte. Rudolf Steiner l'a connu là parce que Rudolf Steiner est celui qui... Oui, celui qui avait expliqué à ce personnage, donc Adolf Hitler. Même pire. Vous m'excusez, je fouille en même temps et j'apprends. C'est intéressant. À cette époque, Rudolf Steiner et Adolf Hitler habitaient le même corps. Et c'est Rudolf Steiner qui a fait sortir les rats et c'est Adolf Hitler qui a fait sortir les enfants. Et les enfermés dans une caverne. Une partie aussi ont été vendus comme esclaves en bateau. Et par la suite, une fois morts, ils se sont totalement scindés en deux. C'est-à-dire que la partie trop blanche, Rudolf Steiner, s'incarne beaucoup plus tard dans le corps de celui qu'on va appeler Rudolf Steiner. Il va travailler sur l'éducation. D'ailleurs, on a encore les écoles, on a des écoles ici même encore qui sont tributaires de son enseignement. Et Adolf Hitler se scinde de l'autre côté, il va de l'autre bord. Adolf Hitler a tout fait pour tuer Steiner à l'époque de sa vie. Steiner a même fait bâtir une immense dôme, une espèce d'école, d'université qu'il voulait faire en Allemagne. Et avant même qu'Hitler soit totalement fureur et en furie contre la Terre, il l'avait fait incendier. Ils se sont luttés assez que, et d'ailleurs ça explique aussi une chose, que je ne savais pas, mais Rudolf Steiner était le seul, et Hitler voulait absolument l'éliminer, parce que Rudolf Steiner était le seul qui, en voyage astral, avait accès aux réunions occultes qu'Adolf Hitler tenait avec son amirauté. On pouvait donc savoir à l'avance qu'elle faisait. Et c'était un grand problème. C'est pourquoi, d'ailleurs, il l'a fait pourchasser à travers l'Allemagne, même un peu à travers le reste des territoires autour. Pour l'éliminer, c'était un danger. Steiner avait déjà connu Hitler dans le même corps, à cette époque. Les Québécois réincarnent-ils le nazisme? En majorité, oui. Est-ce que le peuple québécois va devenir la prochaine Allemagne guerrière? Non. Mais en majorité, effectivement, le peuple québécois réincarne le peuple nazi. Comme le peuple américain réincarne le peuple romain. Les Américains sont des bâtisseurs, des instaurateurs de sociétés. Nécessairement, ils conquérissent et ils s'implantent. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait une friction entre le Québec et les États-Unis à cause de ça? Les Américains, par contre, ont de l'intelligence, suffisamment d'intelligence pour reconnaître l'Allemagne. Ils les ont tous engagés. Il y a des frictions, il y en aura toujours à cause des égaux. Mais le Québec ne réincarne pas l'Allemagne. Il réincarne énormément d'Allemands. C'est un peuple tout petit, tout minable, qui a de plus en plus une tendance à se réchauffer, et ça va se continuer. Quand un personnage ira-t-il assimiler l'énergie christique de la lance, et quand fera-t-il? Quand ça va se faire, et quand ça va se faire, eh bien, il en fera ce qu'il voudra. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Plus on instruit l'astral de ce qui peut arriver, plus ça nuit. Alors, ce n'est pas nécessaire. Mais de toute façon, l'individu qui va y aller va absorber ce qui reste et s'en servira pas avant l'an 2000 quelque chose. Pour que l'intelligence s'écoule, on doit d'abord parler pour vider l'eau froide. Ça fait 20 ans que je fais couler l'eau froide en parlant beaucoup sans contrôler ou mourir, beaucoup de farces plates ou drôles, etc. Ce qui a pour effet, premièrement, de faire fuir les autres, deuxièmement, m'épuiser, et troisièmement, jamais l'intelligence ne vient. Alors, j'explique juste ici quelque chose. Bon, en séminaire, on explique que l'intelligence supramentale, lorsqu'elle descend, elle descend par la parole, et qu'un individu, plus il parle, plus il se réchauffe. C'est-à-dire que c'est exactement comme si on était connecté à un tuyau d'eau chaude relié à un réservoir. Quand ça fait 5 ans qu'on n'a pas fait couler l'eau chaude, quand on ouvre le robinet, c'est de l'eau froide qui sort. L'individu commence à parler, il se rend compte que ce qu'il dit, c'est des conneries. Alors, on se dit, ah, il n'y a pas d'eau chaude, on ferme le robinet. Et on fait ça toute sa vie, ce qui fait qu'on est connecté au bon tuyau, mais on aura toujours de l'eau froide. Par contre, l'individu peut être connecté, non pas à l'ajusteur de pensée, mais au canal réincarnationnel, qui est le tuyau d'eau froide. Alors là, s'il l'ouvre, puis il laisse couler pendant 20 ans, bien, plus il va laisser couler, plus ça va être froid. Donc, il se perd en énergie, perd énormément d'énergie. Ceux qui veulent rester chauds, ben, s'éloignent de lui. Maintenant que je connais le mécanisme de l'intelligence, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe ou que dois-je faire pour mieux faire couler l'eau froide? chose, vous devez discuter avec des individus qui sont capables de vous réchauffer. C'est-à-dire qu'il y a une synergie qui va se créer. Ça dépend avec qui on parle. Discuter avec un têteux d'énergie. L'énergie qui arrive s'en va et est automatiquement absorbée par l'autre. Finalement, on ne se réchauffe pas. On doit avoir une onde de forme intéressante. On doit surtout une onde de forme au niveau oral, surtout. Et on doit parler avec des individus qui sont capables de non pas nous têter, mais de nous retourner de l'énergie. Je parle, je le réchauffe. Il se connaît qu'il parle, il me réchauffe. Et finalement, on se réchauffe mutuellement, donc c'est intéressant. On doit rencontrer quelqu'un pour nous démarrer. Un intervieweur ou un public. Ça dépend avec qui on jase. Autre chose, il peut y avoir des choses intelligentes qui sortent. Mais comme dans un séminaire que je donne de temps en temps, quelques fois par année, je fais travailler les individus pour que les personnes finissent par avoir un ego qui les autorise à dire n'importe quoi. Et c'est une vraie farce, ils ne sont pas capables. L'individu, l'ego, veut dire quelque chose qui semble intelligent. La problématique, c'est que si vous n'êtes pas capable de dire n'importe quoi, vous ne pourrez jamais amener quelque chose de neuf. Parce que si ça doit être vérifié par l'ego pour sembler intelligent, il faudra que ça fitte, que ça semble avec le passé. Ce n'est pas neuf. L'individu qui a un concept de ce que c'est qu'une parole convenable, peut-être qu'il veut parler comme moi. Alors l'énergie peut commencer à circuler parce qu'une partie de son ego ne reconnaît pas là de l'énergie ou du réchauffement. Il peut considérer qu'il reste connecté de l'eau froide et que ça s'empire. Ça dépend de son ego. L'homme nouveau pourra-t-il se passer de la lance de Longinus? De toute façon, la lance sera totalement désuète et inutilisable lorsqu'il y aura suffisamment d'hommes et de femmes et d'enfants nouveaux sur le plan planétaire. Et l'homme nouveau se passera de bien des choses. Les Allemands et Allemandes présentement vivant au Québec, sont-ils plus en contact avec le supramental? Le peuple allemand a un handicap. Il a une mémoire. Le Québec a un avantage. Il n'a pas de mémoire. Je m'en souviens. C'est ça qui a marqué sur nos plaques. Ouais. On se rappelle même pas de quoi. On s'en souvient, du coup. Ouais. On aurait dû dire « je vais m'en souvenir ». C'est ça qu'on aurait dû mettre sur la licence. Je vais m'informer, je vais trouver ce que ça veut dire. Les Québécois sont-ils de sang arien? Les ariens ont-ils un rôle à jouer vers la supramentalisation planétaire? Ça ne sert à rien de savoir ça. Non! La majorité du peuple québécois est reliée à la cinquième sous-race de la race mère blanche, c'est-à-dire la majorité du peuple québécois est de souche teutonne, du point de vue génétique et du point de vue énergétique. Par contre, une grande partie des Québécois font partie de la première sous-race de la sixième race mère, la race bleue. Évidemment, ce n'est pas une race cutanée, c'est une race neuronique et endocrinienne. La race arienne est la première sous-race de la race mère blanche. Et une partie du peuple québécois, et on parle surtout du bouclier canadien, font partie de la première sous-race de la sixième race mère, la race bleue. En parallèle, c'est similaire, mais nous ne sommes pas à rien. Les Américains connaissant le pouvoir de l'anse, que feront-ils avec? Est-ce que l'anse pourrait servir à l'humanité de façon positive? Bon, lance, c'est le nom ésotérique de la lance, on l'appelle lance. Les Américains savent bien des choses. Et ils savent aussi ce qu'ils ne savent pas. Et ils sont manipulés comme tous les peuples. Ils ne se serviront possiblement pas de lance, s'ils l'ont. Comme ils ne se serviront pas non plus de large alliance qu'ils ont. Est-ce qu'il y aurait une liaison entre les Juifs Est-ce qu'il y aurait une liaison entre les Juifs qui se sont fait assassiner par les Allemands et ceux qui auraient tué Jésus? Non. C'est évident que le peuple juif de l'époque était disséminé un peu partout. Il n'était pas très nombreux. La majorité des chrétiens juifs morts dans l'arène sont remords sous l'épée de Tibère d'Adolf Hitler. Eux ont revécu similairement la même condition de vie. Plus l'être humain est traditionnel, plus il revit ce qu'il a vécu. D'où la fièvre lorsqu'un être humain qui se conscientise sent qu'il est en train de réincarner une mémoire de quelque chose du passé et qu'il se dit « sac, ça ne m'intéresse pas, lui est mort crucifié, ou non, lui est mort brûlé, ou lui est mort enterré. » Parce que les égaux ont tendance à cycliser l'évolution, à recréer les mêmes conditions. Et les chrétiens, donc les juifs devenus chrétiens, mais enfin les juifs quand même, qui sont morts, ne sont pas tous réincarnés chrétiens. Les chrétiens, on les a ramassés ailleurs, les chrétiens, les vrais chrétiens. Et ils sont remords sous le canon d'Hitler, qui était Tibère à l'époque. Alors, ce sont des juifs de l'époque de Jésus, mais surtout des juifs d'après. C'est-à-dire les Romains qui sont convertis. Des Romains, il y avait beaucoup de Romains qui étaient juifs. Puis la majorité des juifs de l'époque qui sont convertis, pas tous. La négolisation permet de construire la double éthérique. Cette négolisation doit passer par-dessus le piège de la dualité du pour ou du contre, exemple raciste ou versus ne pas être raciste. Explique la mécanique subtile qui peut nous faire croire qu'on s'anégoïse alors qu'en fait on est ballotté dans cette dualité. Y a-t-il un truc pour s'apercevoir quand on ne s'anégoïse pas? Il y en a un autre après. Un truc pour savoir, non. Pourquoi? Parce que plus vous savez que vous êtes humble, plus votre ego est content. Donc, plus ou moins vous êtes humble. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas de truc pour être. Lorsqu'un humain est capable de supporter du neuf, lorsqu'un humain comprend et essaie d'appliquer la patience, parce qu'on doit être patient envers soi, parce qu'on a toujours un maudit concept de l'ego qui te fait dire que le reste est pourri. Le gars qui veut fumer, il fume. À un moment donné, il veut cesser de fumer, il y a le concept anti-fumeur qui apparaît. Le concept anti-fumeur dit au concept fumeur qui est un imbécile. Le concept fumeur lui demande de se fermer la boîte, puis il y a un conflit à l'interne. Bon, ben, c'est la même chose pour aussi la négoïsation. Comment on s'anégoïse? C'est simple. Plus vous constatez votre laideur, plus votre mental prend du pouvoir. Plus votre mental est puissant, plus il y a eu une égoïsation. Plus vous acceptez d'admettre votre ego, d'en parler, de le dire, c'est pas d'aller broyer tout le monde, là. Plus vous devenez contrôleur de l'ego. Plus l'ego s'en égoïse, plus il devient puissant, je le répète. Plus il devient puissant, plus il tend à s'exprimer violemment. Un être en conscientisation qui fait une colère bien plus dangereuse qu'un être qui n'est pas en conscientisation. Il est plus violent, plus agressif, plus impatient. L'ego est plus puissamment en contact avec les voies d'expression. Mais en même temps, le mental va faire des colères mentales plus violentes. L'individu s'en égoïse. Ce n'est pas nécessairement souffrant. Dans la majorité des cas, ce l'est. Pourquoi? Parce que l'individu n'a pas encore suffisamment compris ce qu'était réellement la négoïsation. J'en ai déjà parlé. Bon, j'en parle surtout en séminaire. On a du temps, on a deux jours. Quand c'est suffisamment compris ce qu'est la négoïsation ou ce qu'est la colère mentale douce, l'individu tend à exprimer un ego qui prend les parties les plus violentes, les démolit et s'en satisfait dans les parties les plus évoluées de l'ego. L'individu comprend la mécanique où il va dire « je me contrôle et j'en suis fier ». Et celui qui se conscientise avec un concept dans l'ego ne pourra pas faire cela. « Je me contrôle ». Et j'en suis fier, si c'est de l'ego avec, j'en suis pas fier, puis je sais plus, puis bon, lui souffre. Alors, ce qu'on a à faire en réalité, c'est de prendre l'eau polluée et la dépolluer d'un niveau. Par la suite, on reprendra ce niveau-là et on la dépolluera un peu plus. Parce qu'on aura de l'eau nous ont pollués positivement, comme celle qu'on boit, ce sera plus facile par la suite de transmuer cet égo plus pur en un égoïsation. Alors, c'est simple. Est-ce que ça donne quelque chose de positif à lutter contre nos faiblesses pour le café, chocolat, cigarette, etc., lorsqu'on sait que ça affecte notre santé? On doit intelligencer ce que l'on veut faire. On doit éprouver des raisons intelligentes dans ce que l'on fait. J'ai déjà expliqué qu'il y avait deux façons d'évoluer. Celle où on veut voir où on va, et celle où on se tourne de bord, puis on s'arrange pour ne plus être poussé par ce qu'on ne veut plus. Dans l'une des deux façons, on a l'impression qu'on voit clairement où on va. On se fait toujours ramasser par notre mémoire. Dans l'autre façon, on contrôle la mémoire, mais on ne sait pas où on va. C'est épeurant pour l'ego. Mais en avant, il n'y a pas de problème. C'est en arrière, les problèmes. Alors, on peut dire, oui, mais je devrais arrêter de fumer. Ça serait meilleur pour ma santé. Et on peut aussi passer par l'inverse. Fumer puis dire, hey, c'est-tu niaiseux de fumer? Au lieu de travailler sur, oui, mais ça serait bien plus intelligent si l'humain est manipulé. Vous prenez du café pour vous terrestrifier. Vous fumez pour vous terrestrifier. Quand vous n'en avez pas, l'ego de la misère à vivre sur la planète Terre, ce qu'on perçoit de la vie traumatise l'ego. On fume, on prend un café, on mange du chocolat, et puis c'est plus supportable. On doit intelligencer les choses par une mécanique écologique. Tu manges ton chocolat en disant que c'est niaiseux. Mais comme l'ego s'identifie à ce qu'il fait, ce que vous ne devez jamais faire, ce que vous faites est stupide. Le savez-vous? Oui, c'est la preuve que vous n'êtes pas stupide. Vous le savez. Mais parce que l'humain est manipulé, il peut faire des choses stupides. Même si lui sait que lui n'est pas stupide. Je le sais que c'est con. Mais pourquoi je le fais? Parce que t'es manipulé. Et que c'est con! Et que c'est con! À un moment donné, ça va arrêter tout seul. Sans qu'on ait eu à souffrir. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Votre corps physique, il est restructurable. Si on peut intelligemment l'entretenir, tant mieux. On fume, ben tu veux fumer le cave. Le cave, c'est le corps, l'astral, le vital et l'ego. Tu veux fumer le cave, ben tu vas courir le cave. C'est moyen. On contrebalance un peu. Mais de vouloir absolument s'efforcer d'arrêter quelque chose, on crée un concept anti ce qu'on a comme mémoire, comme expérience, et on crée d'autres problèmes, puis on en a déjà suffisamment comme ça. Par contre, on ne doit pas se frustrer. Ça revient encore à la négoïsation. L'humain se frustre immédiatement. Oui, mais là, je devrais plus boire, puis je bois encore, et que c'est niaiseux. Pas et que je suis niaiseux. Et que t'es niaiseux, oui. Le mental parle de l'ego. Bon, moi, un jour, j'arrêterai. J'ai hâte. Puis tu recommences, c'est stupide. À un moment donné, fais-toi pas, ton ego va finir par sans trop souffrir. Si tu contrôles le concept anti, ce que tu fais, ça va s'arrêter progressivement tout seul, sans avoir de problème. Quel rôle a vraiment joué Mussolini? Ben, Mussolini, c'est un... Moi, je voulais dire, c'est une tapette. Tu l'as pas dit. C'est ça. Je l'ai pas dit. Merci. Rien compris. Mussolini, on peut le traduire par museau attaché. C'est un bonhomme qui recherchait du pouvoir, qui était totalement communiste, totalement hitlérien, totalement n'importe quoi, mais du moment qu'on m'autorise. Alors c'est simple, c'est que moi quand je cherche un homme de paille, je te rencontre par exemple, et puis je dis, bon, tu es en politique, etc., mais est-ce que tu aimerais être le représentant suprême de XYZ. Ça va être toi. Mussolini est rentré là-dedans. Oh, il y a eu d'autres incarnations qui ont connu Mussolini, mais Mussolini, c'est un personnage qui... Ceux qui, à un moment donné, ont écouté ces reportages de la télévision, c'est en noir et blanc, alors je ne sais pas trop, c'est un Fernandel qui jase avec Patronne. Je ne connais pas trop le titre, il parle toujours à Jésus-Christ, là, puis il fait de la politique, c'est un curé. Ben, c'est exactement ça, Mussolini. C'est le gars qui recherche le pouvoir à être en haut, en haut, en haut, en haut, en haut, puis qui s'attend, on lui promet n'importe quoi, il va embarquer. Alors c'est un être ancien, totalement ancien, qui y va. Le peuple italien, c'est un peuple divisé en deux. Évidemment, Tibère ayant été romain, il devait de ramasser une partie de l'Italie. Bon, Mussolini a joué le jeu, une partie de l'Italie était pour Hitler, l'autre contre. Finalement, les Italiens étaient contre l'un contre l'autre, hein, ça, finalement, oui. Mussolini, c'est un personnage, un homme de paille. De quelle façon est-ce que... Il a brûlé très facilement. Hein? Ils l'ont pendu, ils l'ont attaché par les pieds. C'est enflammé à rien. De quelle façon Hitler s'est-il servi de l'astrologie? Hitler a souffert avec l'astrologie énormément parce qu'il ne croyait pas à l'astrologie. Alors il se faisait faire des cartes du ciel et on lui disait ceci, cela, cela. Pourquoi? Parce que l'intelligence supramentale, de toute façon, l'intervention luciférienne permettait à l'astral de se tromper. Et par bien des mécaniques, l'astral, c'est simplement le jeu des paliers mobiles du monde de la mort, attiré par les astres, mais ce n'est pas les astres qui manipulent l'homme. Lucifer, enfin Adolf Hitler, ce qu'il faisait, c'est qu'il le regardait, et lorsqu'on lui disait « telle place, tu vas perdre, je veux gagner », et il s'arrangeait pour gagner malgré les astres. Est-il vrai qu'il aurait perdu la guerre suite à de mauvaises interprétations astrologiques? C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'intelligence s'est retirée. C'était suffisant, on ne voulait plus. Il a lu les cartes du ciel, et encore une fois, ce qu'il a vu ne lui plaisait pas. Mais l'intelligence étant retirée, son intervention n'était plus altératrice de la mécanique astrale, donc des astres. Et se fiant à son expérience, chaque fois qu'il voulait bouger, on bougeait malgré les as. Là, il a décidé que l'intelligence étant retirée parce qu'Adolf Hitler devait perdre la guerre, eh bien, il a perdu la guerre, il s'est fait ramasser. Ça prouve une chose que je vous dis souvent, ne vous fiez jamais à n'importe quel contact. Jusqu'à l'âge d'environ 12 ans, je voyais toutes sortes de personnages la nuit qui sortaient du garde-robe ou qui apparaissaient subitement. Certains m'approchaient, venaient s'asseoir sur mon lit, ils étaient nombreux, ils m'empêchaient de dormir. De quoi s'agissait-il? Explique. Ben, de quoi s'agissait-il? Évidemment, ça dépend de bien des choses. Ça dépend de la propreté du garde-robe. Propreté vitale. On a fait une conférence dernièrement sur les forces qui hantaient les maisons. On peut se référer à la conférence. De quoi il s'agissait? Il s'agissait évidemment de personnalité astrale. La personne ici, elle avait un corps vital suffisamment en vibration pour lui permettre de voir elfes, farfadets, gnomes, hobbits. Et c'est des entités qui sont plus ou moins personnifiées. Ce sont simplement des personnes qui dorment, qui, dans leur rêve, allaient s'énergiser de ce qui se sécrétait chez un jeune, chez un enfant, parce que celui-ci les voyait. Rien de dramatique là-dedans. Ce qui est dommage, à un moment donné, premièrement, ce qui est dommage, c'est que bien souvent, les gens n'ont pas. Ce qui est dommage aussi, c'est que bien souvent, les gens qui n'en ont pas peur leur font confiance. Et ce qui est dommage aussi, c'est que ceux qui les ont vus finissent par ne plus les voir. À quoi ça sert de les voir? À rien. C'est pas ça qu'il faut voir. C'est le sens de la vue qui est intéressant de continuer à développer ou à conserver. Ça te verra quoi de conserver, allier? Oui, ça te permet de développer un champ d'énergie vitale qui, à un moment donné, te permet de repérer les automobiles qui te foncent dessus quand tu conduis la tienne. Ça te permet de repérer l'incendie qui commence chez le voisin trois blocs plus loin. Ça te permet, en tout cas, il y a un paquet de choses. Ça te permet d'instruire ton ego, le cave, que tout ce que l'humanité te dit, il y a bien d'autres choses qu'ils ne savent pas, ce qui fait que l'individu lentement s'ouvre vers le neuf. Comme l'énergie vitale, le sens vitalique qui permet cette vision est de l'énergie morontielle, donc de l'énergie éthérique, de l'énergie vitale, ça permet facilement à l'individu d'entrer en contact avec un double éthérique de le personnifier, ou du moins de lui donner de l'expérience et de s'ouvrir vers des sphères plus intéressantes. Longinus aura-t-elle un rôle à jouer dans le futur des États-Unis? Si oui, lequel? Protège-t-elle les États-Unis présentement? Garderont-ils leur suprématie mondiale grâce à elle? Bon, premièrement, je ne fais pas de prophétie et les historiens n'en parlent pas. Est-ce que les skinheads sont des réincarnations de l'Allemagne nazie? Les têtes de peau? T'en viens bien. Fais attention, ça commence par le milieu, toi. Oui. Quel rapport ont-ils avec le Ku Klux Klan? Bon, alors les têtes de peau. Et le clan, c'est une organisation à caractère franc-maçonnique, dirigée par le comte de Saint-Germain, par Lazare, et uniquement dans le but de tempérer et de temporiser la fusion entre différentes génétiques. La problématique, c'est que la majorité des génétiques noires est supérieure en termes de caractère dominant sur la race blanche. Ce que ça veut dire, que lorsqu'un noir a un enfant avec une blanche, la majorité des caractères de la race noire sont dominants dans l'enfant. Autrement dit, la race blanche y perd génétiquement au contact de la race noire. Elle peut gagner des choses, la race noire, mais du point de vue de la race blanche, le caractère génétique dominant blanc sont beaucoup plus atténués que les caractères génétiques dominants noirs. De ce fait, pour ne pas mélanger trop rapidement la race blanche avec la race noire, pour permettre à la race noire, par imprégnation, d'être ajustée à la race blanche, le clan a été mis sur pied. Bon, une chose. Les skinheads, c'est une intervention, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le clan. Ils sont racistes uniquement par principe, c'est-à-dire qu'ils doivent défendre une cause. On a parlé un peu de chevalerie la semaine dernière, ce sont des chevaliers noirs. Étant donné que présentement, la société n'a pas de fierté à leur donner, à ces jeunes, elle n'a pas de cause à défendre. Il pourrait défendre l'écologie et tuer ceux qui polluent. Bon, c'est déjà au moins ça. Étant donné qu'ils échappent totalement présentement, ils sont un peu avant leur temps, ils sont... La conférence de la semaine prochaine pose la question, est-ce que vous vous êtes réincarné avant votre temps? Plusieurs humains qui auraient intérêt à vérifier certaines choses et à découvrir comment attendre son temps. Ben, il y a des skinheads là-dedans, des têtes de peau, puis il y a pas que d'autres qui sont justement un petit peu avant leur temps. Et comme ils sont avant leur temps et qu'ils n'ont pas pu attendre, ils se sont donné des missions. Et les missions qu'ils ont récupérées sont les missions les plus proches de l'ego planétaire, les missions normalement négatives. Alors, c'est ça. Parce qu'un skinhead va donner sa vie pour sauver une vieille madame blanche contre un noir. Ben, c'est chevalier. Est-ce que l'impression ou le fait de jouer consciemment avec le futur, c'est-à-dire de s'engager dans un futur possible qui vibre avec notre intelligence, est aussi une seule et unique trame du futur? Si oui, à quoi bon s'illusionner de contrôler notre destin, sinon explique pourquoi. Bon, on a déjà expliqué un peu, je ne me rappelle plus du tout de la conférence, peut-être que tu peux fouiller pendant que je réponds. Si on fouille une trame du futur qui va avec notre intelligence et qu'on est un être supramentalisable, conscientisable, on détruit cet avenir possible. Donc, on vivra quelque chose qui sera tout sauf ce qu'on aura vibré. Dans les lois qui régissent l'animal humain reliées à l'initiation solaire, s'il projette, il l'a. Plus il se conscientise, s'il projette et qu'il l'oublie immédiatement, il l'aura. Mais s'il continue à projeter, il va détruire cet avenir possible. celui qui, à un moment donné, traverse entre ceux qui sont suffisamment chauds, ceux qui sont conscientisables, on peut dire transportables, ceux-là sont attachés à une autre forme d'évolution. L'évolution anégoïque pour engendrer un demi-terré qui mortalisa la conscience, échappant par le fait même au monde de la mort. Si on projette, on sécrète, si on sécrète, on s'égoïse, cet avenir vous est interdit. L'individu devrait donc travailler pour projeter un avenir qu'il ne veut pas. Mais il y a l'ego. Ah, ça y est, je l'ai vu ce que je voulais pas, donc je suis sûr d'avoir. Ça y est, tu me détruis ce que tu voulais avoir aussi. Alors, ça devient une évolution plus réelle, où l'humain ne peut plus jouer uniquement qu'il évolue, ou triper qu'il évolue. Il doit évoluer. Il doit être son seul maître. Je n'ai pas le titre, mais c'est entre janvier et mars, cette année. Janus et mars? Oui. Si tous les canaux d'énergie supramentale se sont fait avoir par cette énergie, est-ce qu'il en sera toujours ainsi, même pour ceux qui éventuellement auront une génétique suffisamment puissante pour en canaliser une forte dose? Bon, ce ne sont pas tous les canaux d'énergie. Par contre, le canal ou les canaux qui, à l'époque, pouvaient recevoir de l'énergie d'une façon suffisamment concentrée, une effusion planétaire était reliée à l'énergie juive de l'époque. Présentement, la majorité des canaux sont reliés à une énergie américaine et québécoise. Et plus tard, bien évidemment, il sera relié à d'autres choses. Il n'y a pas d'imitation. La génétique, c'est ce qui va dominer. Qui était Joseph Staline et quel rôle a-t-il joué? Bon, c'est très long à expliquer, hein? Il faudrait expliquer aussi pourquoi Staline a perdu sa révolution, peut-être. On va finir ça ici, puisque Staline, c'était un superbe incident, c'est intéressant. Dans certains ouvrages, on mentionne que des supérieurs inconnus auraient manipulé Hitler. Qui sont-ils? Premièrement, ils sont inconnus. On le mentionne, d'ailleurs. Pourquoi ils sont inconnus? Parce que l'émotivité humaine n'est pas prête encore, collectivement, à connaître. Il y a eu des prêtres juifs. Il y a eu des Américains. Les Américains n'ont pas fait que vendre des armements aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs font ça d'ailleurs avec l'Iran, avec d'autres choses aujourd'hui. Mais il y a eu des Américains, il y a eu un Français, enfin, il y a eu quelques personnages intéressants. Un des passages des protocoles de Tion dit ceci. Sur ces ruines, nous avons institué une aristocratie de personnes ayant pour critérium la science et la richesse. Quelle est la différence et quel rapport cette aristocratie aura avec la nouvelle dont tu parles? Probablement, l'Allemagne d'Adolf Hitler était une aristocratie qui avait exactement ses privilèges. La prochaine aristocratie est une aristocratie mentale, donc une aristocratie à caractère planétaire, une aristocratie qui n'est pas limitée par les frontières. C'est aussi une aristocratie qui se servira de la science comme tremplin d'atterrissage sur la planète et qui s'exprimera au-delà de la science, très rapidement. On en a parlé un peu. Plus tard, on va en reparler, mais il ne faut pas trop en parler pour l'instant. Il y a des gens qui se mettent à sécréter dans ce sens-là et ça nuit. Quel type de musique a écrit Wagner? Était-il inspiré de l'intelligence, par l'intelligence? Est-ce qu'il a fait de la musique type égrégorienne? Bon, oui, Wagner, dans ses opéras et ces choses-là, a fait des musiques extrêmement égrégoriennes, surtout dans l'épopée de Perceval. D'autres personnages proches de lui qui ont composé aussi pour son opéra étaient reliés à la même égrégore. Un égrégore belzébuthien, un égrégore tellurique, planétaire. Merlin dirait qu'il était relié à l'égrégore du dragon. Dans sa musique, on a énormément de puissance, assez que ça énerve et ça rend colérique, violent, ça irrite certains auditeurs et auditrices. Alors que ceux qui ont suffisamment de caractère yin, planétaire, solide, belzébuthien, se sentent extraordinairement dynamisés à l'écoute de la musique. La musique est une musique qui transporte, c'est-à-dire qui réveille dans l'humain l'état du guerrier, mais pas l'état du soldat. Cette musique souvent réveille, ne réveille pas chez celui qui peut l'écouter de la violence, de l'idée de puissance. Ça réveille plutôt l'idée d'avancement, donc d'évolution. Et d'ailleurs, la musique était composée en grosso modo en relation avec la quête du Graal de Perceval. Toutes ces musiques ne sont pas géniales parce que seules les musiques reliées à l'idée du Graal sont extraordinaires, ainsi que Handel en aura composé quelques-unes et quelques autres personnages. Ce sont des musiques intéressantes. D'ailleurs, peut-être que ça peut être intéressant, si vous voulez savoir, la semaine prochaine, peut-être que le service éthique pourrait amener une petite partie de musique composée pour la sortie d'Excalibur dans l'opéra. Ce n'est pas Wagner qui l'a composé, c'est lui qui l'a écrit, mais c'est un autre qui l'a finalisé et on l'a donné à un autre. Et peut-être qu'on pourrait la faire jouer à un moment donné. C'est intéressant. Les gens pourraient voir un peu ce que ça donne. Quelle est l'intelligence derrière le fait de nier l'intelligence des enfants nouveaux dans nos écoles et de la réprimer? S'il y a une intelligence derrière ce fait, alors il n'y a pas de quoi se presser ni même de s'en faire ce qui est émotif. La solution égale l'attente active en arrêtant de souffrir à la place de ces enfants qui ne souffrent peut-être pas. Bon, les enfants souffrent énormément, comme d'ailleurs la majorité des personnes qui se conscientisent et qui sont suffisamment teflon de la société souffrent aussi. L'enfant est encore plus handicapé, c'est un enfant. Alors, il n'y a pas juste l'homme qui tape sur la femme. Dans son cas, lui, il y a la femme et l'homme qui tapent dessus, sans compter les enfants plus vieux. C'est évident que tout ce qu'il y a à faire, c'est ce qui va se faire. Ça ne vaut donc pas la peine de vouloir aller plus vite. Intelligence derrière le fait de nier l'intelligence des enfants nouveaux, donc des enfants teflons. Mais l'intelligence derrière, c'est pas de l'intelligence derrière, c'est de l'inintelligence derrière. Et cette inintelligence s'appelle l'humain. L'humain est ouvert. Je fais de plus en plus des conférences dans des écoles. Les professeurs, la direction sont ouverts à en entendre parler. Pas tout changer immédiatement. Il faut comprendre, c'est logique aussi, le cadre, c'est pas juste l'humain. Il y a aussi l'égrégore, la structure. Ça va plus vite qu'on pense. Mais peut-être pas aussi vite qu'on voudrait. Pour Staline, eh bien, on pourrait revenir à un moment donné, là, disons qu'on n'a pas le temps. Prochaine conférence, vous êtes-vous réincarné avant le temps à l'hôtel Holiday Inn Richelieu, mercredi le 6 septembre prochain, à 19h30. L'autre suivante, c'est la maladie du siècle, le médiocrisme, ici, au Holiday Inn de Longueuil, le 13 septembre. Le 20 septembre, au Holiday Inn Richelieu, Montréal. Attention au dialogue intérieur. Et la dernière, pour le mois de septembre, le mercredi 27 septembre, au Holiday Inn Longueuil, ici. Le voyage astral est-il pour vous? Sur ce, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.